dans ce deuxième épisode de septembre à juin qui est consacré aux devoirs de mémoire à l'école. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Céline Ders, enseignante d'histoire géo EMC et formatrice. Elle intervient dans la formation au CAPES interne, dans les formations disciplinaires et transversales des entrants dans le métier et dans les champs EMC en formation continue. Et Sarah Gensburger, directrice de recherche au CNRS, sociologue, historienne et politiste, auteure de nombreux livres dont « À quoi servent les politiques de mémoire avec Sandrine Lefranc » et qui vient juste de sortir « Des commémorations, quand le monde déboulonne des statues et renomme des rues ». Bienvenue à toutes les deux et merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, la toute première question, c'est qu'est-ce que le devoir de mémoire et qu'est-ce que le devoir de mémoire à l'école ? Donc, le devoir de mémoire ne concerne pas que l'école. Son émergence a été étudiée par un collègue qui s'appelle Sébastien Ledoux, qui a publié un livre sur ces questions pour celles et ceux que ça intéresse. Et donc, on le voit émerger de manière globale à la fin des années 80, début des années 90, en tant que devoir de mémoire en France, même si, bien sûr, la logique qui préside au devoir de mémoire existait bien avant. On peut évoquer l'idée que, par exemple, certaines populations d'Allemagne de l'Ouest ont été forcées à aller visiter les sites des camps ou avoir des images des camps juste après la guerre pour édifier leur conscience et pour éviter que ça se reproduise. Mais en France, il a surtout émergé en tant que tel à la fin des années 80, donc début des années 90, comme je disais, notamment, comme a montré Sébastien Ledoux, suite à la montée du Front National, les profanations de tombes juives et donc un peu le retour, en tout cas de manière publique et importante, de l'antisémitisme, du racisme et de ce type d'intolérance. Et donc l'idée derrière le devoir de mémoire, il était double. D'abord, et ça on le trouve déjà après la Première Guerre mondiale, c'est l'idée de rendre un hommage aux morts. Et son application à l'école est très ancienne, il y a aussi beaucoup de travaux là-dessus. Notamment, on le voit aujourd'hui encore par le fait qu'on organise des minutes de silence de manière finalement assez régulière dans les écoles pour rendre hommage à des morts suite à des événements violents, comme par exemple les actes de terrorisme en France. Mais plus largement, le devoir de mémoire va bien au-delà de cette question, puisque c'est l'idée qu'on doit finalement, à travers cet hommage aux morts et à travers ce rappel d'événements du passé qui sont censés être exemplaires et en fait édifiants, dans tous les sens du terme pour les élèves, c'est-à-dire les révolter, mais aussi édifier leur personnalité, c'est l'idée qu'on va faire en sorte qu'à travers cette transmission de la mémoire, on va construire de nouveaux citoyens, des meilleurs citoyens, des gens qui vont pouvoir réactiver un certain nombre de valeurs quand ils vont être eux-mêmes confrontés à des situations qui sont des situations de racisme, d'antisémitisme, de violence et d'intolérance. Merci. Céline ? Alors, du coup, c'est vrai que nous, cette demande, ça a été une demande institutionnelle pour nous de travailler le devoir de mémoire dont les professeurs se sont appropriés en réfléchissant plutôt à un travail de mémoire en lien avec notamment l'enseignement de l'histoire. Ça pose aussi des questions de l'injonction mémorielle, finalement, qui reposerait sur les épaules des élèves, d'une inflation mémorielle aussi, puisqu'il y a de très très nombreuses journées pointées par l'institution qui sont ou seraient à commémorer. Et finalement, ça questionne, selon moi, la porosité entre école et société et ce que la société demande à l'école. Et je me pose toujours la question de savoir à qui ça sert finalement. Est-ce que c'est les adultes que ça rassure et qui vont se dire qu'ils ont bien agi et fait ce qu'ils devaient faire? Est-ce que ça calme des angoisses des adultes? Et en quoi ça sert aux élèves? C'est une vraie question derrière. Du coup, tu abordes les enjeux du travail de mémoire ou devoir de mémoire. Du coup, je ne sais pas ce que vous souhaitez qu'on emploie comme terme. Qu'est-ce qui est attendu de l'école et dans notre sens, quel est le rôle de l'école dans ce travail de mémoire? Bon, moi, je peux commencer à répondre, mais donc en tant que non-praticienne du devoir de mémoire à l'école, donc je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur le fait que cette injonction, disons, à l'utilisation de la mémoire à l'école, on va employer un terme large, a plusieurs dimensions. D'abord, elle est récurrente. Et le récent plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui vient d'être présentée il y a peu, sa première mesure est quand même de demander aux enseignants qui visiblement n'avaient pas forcément été consultés d'emmener systématiquement au moins une fois par an leur classe visiter un lieu de mémoire. Donc c'est quand même un recours systématique à cet outil, disons mémoire, dans le cadre de l'école. Donc ça c'est... En cela, c'est vrai qu'on peut se questionner sur la réflexion, sur ses effets, sur dans quelle mesure ces dispositifs marchent. Et finalement, on avance à chaque fois dans l'institutionnalisation de cet outil sans forcément prendre le temps de réfléchir sur les limites et les aboutissements de cet outil. Donc ça, c'est un premier point. Donc du coup, c'est aussi un recours à une forme de performativité de la parole symbolique. Donc finalement, quand on décrète qu'on va aller visiter des lieux de mémoire ou qu'on va créer cette nouvelle journée dans l'école, on a l'impression d'agir en parlant. Donc finalement, le devoir de mémoire, c'est aussi une parole. Ça, c'est important de le prendre en compte. Qui peut, comme toute parole à prétention performative, elle a peut-être et probablement des effets, mais il faut aussi prendre le temps de l'envisager comme parole. Et la troisième chose... Donc, quels sont les publics de ce devoir de mémoire? Quelles sont les personnes visées? Bon, l'idée, c'est quand même de viser toute la société. Ça, c'est intéressant parce que même les gens adultes qui sont dans les lieux de mémoire, avec lesquels on peut faire nos entretiens, ce que j'ai fait, ils viennent là, mais ils ont toujours un discours sur... c'est pas eux qui sont visés par ces lieux de mémoire, c'est les jeunes. Donc, ils sont là et ils disent « moi, je viens, mais j'en ai pas besoin ». Alors que les études montrent que quand même, dans la société, c'est quand même les classes d'âge les plus âgées qui sont, dans les faits, quand même les plus adhérents à des stéréotypes racistes. Mais ils ont ce discours, moi je viens parce que ça m'intéresse, mais je viens aussi pour voir les élèves visiter. Donc je viens, mais le public cible de ces dispositifs, c'est d'abord les jeunes. Ça va avec deux idées. Un, que les jeunes, c'est quand même la société de l'avenir. Ça, je pense que personne ne peut contredire cette idée. Bon, c'est eux qui vont être les citoyens de demain, c'est vrai. Mais deuxièmement, que finalement, ils ont besoin d'être guidés, orientés, parce qu'ils seraient potentiellement finalement des mauvais citoyens et qu'ils ont besoin d'être construits comme des meilleurs citoyens. Donc à travers les jeunes, il y a aussi tout un discours sur la société, comment la société doit être guérie et qu'une forme de guérison qui est possible, c'est à travers cet outil mémoire. Donc c'est un peu ça les enjeux. Sachant que, et Céline vient de le rappeler, moi, dans mes interactions que j'ai pu avoir avec le monde enseignant, il me semble clair qu'il y a une réflexion quand même distanciée par rapport à ce devoir de mémoire, de toute façon matérielle. Je veux dire, les enseignants ont d'abord des programmes à mettre en œuvre. Ils ne peuvent pas, au gré des calendriers divers et variés, des injonctions divers et variées, tout modifier. Il y a quand même des objectifs pédagogiques forts qui sont la ligne directive de leur travail. Moi, je vais revenir sur les sorties sur les lieux de mémoire, parce qu'il se trouve que je mène un partenariat avec l'UDAC du Val-de-Marne et le conseil départemental qui, de ce fait, nous offre une sortie sur un lieu de mémoire. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça. Notre premier objectif, nous, c'était, il faut le dire aussi, la gratuité de la sortie, c'est-à-dire le financement possible. Et puis, l'idée d'aller faire de l'histoire autrement. Voilà, d'aller sur des lieux. Donc je pense qu'on est allé à peu près partout en France, de Caen au Chemin des Dames, au Camp des Milles, voilà. Et j'ai deux souvenirs très frappants. Un élève qui était, on était dans la Somme, dans d'anciennes tranchées évidemment très érodées, qui était très éloigné de la culture scolaire, qui voulait poser une question. Je lui disais, oui, vas-y, attends que la personne ait fini de parler et pose ta question. Il l'a écouté peut-être 25 minutes, une demi-heure, et sa question ensuite, c'était, mais elles sont où les tranchées? Alors qu'en fait, il était dans la tranchée. Ça a fâché d'une manière extraordinaire le guide qui a dit, c'est fini, je ne fais plus la visite. Et pour moi, c'était vraiment la matérialisation de la distance qu'il peut y avoir entre le présupposé du prof qui, c'était tellement évident que voilà, il y avait une connivence entre les adultes et puis cet élève-là. Et l'autre souvenir que j'ai, où on est allé à Compiègne une fois, et là, il y avait une discussion extrêmement intéressante des élèves au retour, qui était de dire, madame, on a compris ce qui s'est passé, on a compris comment ça s'est passé, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi ça s'est passé. Et en fait, toute la question du... Voilà, les emmener vers justement le pourquoi. Et moi, ça m'a amené aussi à réfléchir vraiment différemment, de me dire, sur quoi on travaille? Est-ce qu'on travaille sur des victimes? Ou est-ce qu'on travaille sur des bourreaux? Alors, c'est aussi les lectures en histoire de Johann Chapoutot ou de Yanis Roder, pour se dire, on sort de l'ère victimaire. Enfin, il y a tout ce questionnement-là où finalement je me dis que le rôle du professeur, c'est de créer les conditions d'une rencontre, en fait. Et puis après, l'élève, il s'en saisira ou pas avec ce qu'il est au moment où il est. Voilà. Ça, si je peux rebondir. Bien sûr. Je pense que c'est... Bon, d'abord, ces expériences de visite sont très intéressantes et très révélatrices, parce que moi, de ce que j'ai pu analyser, pour le coup, donc il a été dit que j'étais sociologue, mais l'idée de la sociologie, c'est de, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de développer des normes politiques, mais c'est de faire des enquêtes de terrain, donc de construire des données d'analyse, des entretiens, des observations, des questionnaires, pour essayer de penser le monde. C'est ça que fait la sociologie. Et ces expériences-là, elles sont particulièrement importantes parce que, moi, de ce que je vois de mes terrains, je pense qu'en fait, ces dispositifs ne peuvent marcher que s'ils prennent le risque de ne pas marcher. C'est-à-dire s'ils prennent une distance par rapport à des valeurs uniformes qu'ils espèrent transmettre par ces expériences. Et l'exemple de la tranchée, c'est vraiment... Déjà, ça veut dire que cet élève n'est pas arrivé avec rien sur le terrain. Ça veut dire qu'il a une représentation préalable de la tranchée. Donc, il a vu des films ou vu un dessin animé, lu une BD, lu un livre, j'en sais rien. Mais pour lui, une tranchée, c'est une tranchée comme on le voit dans tout ça, c'est-à-dire quelque chose de bien creusé avec des soubassements en bois, etc. Donc, ça veut dire déjà qu'il n'arrive pas neutre. Et ça, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'il a aussi un intérêt pour la question. Et deuxièmement, qu'il a confronté ça avec ce qu'il voit. Donc, finalement, c'est presque lui qui fait le plus le travail qu'on attend, c'est-à-dire confronter le présent et le passé. Et ça, voilà. Ça, je pense que... Je plaide, bien sûr, pour ma discipline, mais je pense qu'en faisant, par ailleurs, de l'histoire, par plaisir, en fait, par ailleurs, je pense qu'il y a un gros qu'il faut que, quand même, tous les acteurs de ces dispositifs de mémoire soient formés à ces questions-là, soient formés au fait que ces dispositifs sont transmis au présent et pas au passé. Donc on n'a pas le passé qui existe dans le passé, donc cette tranchée bien construite, et qu'on transmettrait, on aurait une confrontation avec le passé dans ces dispositifs. Il n'y a pas le passé, en fait. Quelque part, il faut comprendre que c'est toujours au présent. Et souvent, on aborde cette question que par les problèmes, c'est-à-dire on se dit, voilà, les élèves, ils viennent avec leur présent, leur famille, leurs propres enjeux, et ça peut créer des tensions. Mais non, en fait, il faut partir du fait que ça ne se passe pas que quand il y a des tensions. Ça se passe toujours, même quand tout a l'air d'aller bien. Et si on veut vraiment que ces dispositifs apportent quelque chose, qui pourrait être notamment l'idée de se questionner sur le monde du passé et du présent, par exemple, il pose une question sur la tranchée, il faut l'inclure dans les dispositifs de transmission. Il faut peut-être même partir des prénotions que les élèves pourraient avoir pour les déconstruire. Bon, moi, par ailleurs, en tant qu'historienne, j'ai fait plusieurs ateliers quand même, et j'ai créé un dispositif de podcast qui a été repris dans l'éducation nationale à travers le projet Parler Vivant. Donc, il se trouve que je forme des enseignants à ce projet. Mais moi, j'ai fait ce projet dans des classes de CM2, et c'est vrai que j'étais assez frappée par le fait qu'ils vont s'approprier ça de manière très diverse, y compris des choses qui ne sont pas souvent évoquées. Par exemple, j'avais travaillé avec des CM2 sur la Shoah dans le quartier du 11e, et il y avait plusieurs documents qui étaient contradictoires. Un enfant qui avait plusieurs prénoms, et donc on avait toute cette discussion sur... mais en fait, il doit y avoir des faux documents parce qu'on n'a qu'un seul prénom. Et je dis, on peut aussi se questionner sur le contexte. Et là, il y a un élève qui a dit, Ben oui, mais c'est très fréquent que des enfants aient plusieurs prénoms. Moi, j'ai plusieurs prénoms. Moi, je ne m'appelle pas pareil à l'école, dans ma famille, dans le pays de mes parents et en France. En fait, j'ai presque trois prénoms. Donc, cet enfant était d'une famille d'origine africaine et avait un prénom religieux dans l'islam et un prénom d'origine et un prénom qu'il utilisait en France. Je ne sais pas du tout légalement, peu importe pour moi. Et le prénom sur lequel on travaillait en classe, c'était un prénom d'un enfant juif polonais qui avait un prénom francisé, un prénom polonais et un prénom religieux. Et donc là, la discussion s'est complètement faite parce qu'il y avait une expérience commune qui était au présent, qui n'était pas seulement dans le passé. Et j'étais sortie, et c'est, donc en faisant ça, j'essayais pas de transmettre du tout une valeur de tolérance, etc. Je partais de documents et je voyais qu'il y avait j'avais fait exprès, parce qu'en plus je connaissais cet élève, et je m'étais dit, bon bah là il va y avoir un problème. Et en fait les problèmes, comme les tranchées ou comme les prénoms, sont à mon avis pour ces questions-là un très bon dispositif pédagogique. Les contradictions sont un point de départ très intéressant qui est plus difficile, évidemment, pour l'enseignant ou pour l'intervenant, mais qui peut aussi apporter, si on prend le risque du problème, peut-être plus de choses à la fin. Du coup, est-ce que le fait que le travail de mémoire soit toujours situé, c'est ça que vous dites qui est vraiment intéressant et sur lequel on devrait, j'aime pas trop le terme devoir, mais on pourrait s'appuyer? Alors... Céline, je commence, ouais. Peut-être comme j'ai parlé longtemps, vous pouvez commencer. Oui, moi je me disais qu'on ne fait jamais justement suffisamment de place à l'expérience de l'élève. Parce qu'on peut avoir, se dire, bah, il n'a pas fait ce cours, il n'a pas de connaissances préalables. Mais en fait, plus on fait ça, plus on se rend compte que justement, ils ont des expériences, ils ont des intuitions. Qui ont un côté extrêmement génial, quoi. Moi, je trouve, quand on les confronte justement à des documents, par exemple une affiche de propagande de la Première Guerre mondiale où il faut que les soldats s'engagent, et on constate qu'il y a un écart de date, c'était en 1915, la guerre commence avant, ils ont plein d'intuitions. Ils vont dire, ils sont peut-être déjà tous morts, c'est pas faux, il y a eu énormément de morts au début de la Première Guerre mondiale, peut-être qu'ils commencent la guerre, ah tiens, on va aller voir la chronologie, enfin... Je pense qu'on a vraiment intérêt à faire ça, à partir et à considérer qu'ils n'ont pas la connaissance au sens scientifique, mais ils ont une expérience et une réflexion qui peut être liée à, l'exemple du prénom, à un vécu, qui va leur permettre aussi d'entrer avec nous dans l'histoire ou dans la mémoire. Oui, mais c'est là où est la tension, je pense, en tant qu'enseignant. La difficulté, probablement, je l'imagine tout à fait, hein. Mon objectif n'est pas du tout de dire il faudrait faire comme ça, parce que je sais qu'il y a la réalité. Mais précisément, je pense que, surtout pour des enseignants d'histoire-géographie qui sont quand même formés à la connaissance, dont la formation est quand même très poussée en termes de faits, je mets des guillemets, on ne le voit pas dans le podcast, mais d'objectivité, faire entrer l'expérience des élèves, c'est autre chose, c'est une formation spécifique. C'est presque l'opposé de la question du savoir. Et à mon avis, là, pour répondre directement à la question, c'est même pas qu'il faudrait, c'est que je veux dire, en fait, on ne peut pas faire autrement. Surtout dès lors qu'on attend de cet enseignement qu'il soit sur le domaine des valeurs. Le domaine des valeurs, c'est quand même pas un domaine où dans une démocratie, on est très à l'aise, parce qu'au nom de quoi on doit transmettre, favoriser des valeurs. C'est un peu complexe. Et donc, il est d'autant plus difficile de le faire en niant les représentations de l'élève, puisque sinon, ça relève très rapidement d'une forme de propagande, quelque part. Et je trouve que malheureusement, dans ces débats, quand on fait voir l'expérience de l'élève, c'est tout le temps une expérience par rapport à l'histoire en question. On parle souvent des enfants, descendants, par exemple, de familles liées à la guerre d'Algérie, pour les questions de la guerre d'Algérie. Évidemment, ça fait partie de l'expérience de l'élève, mais l'élève, il n'est pas qu'un élève dans l'histoire. Il est une fille ou un garçon, il est un élève, un bon élève ou un mauvais élève, là encore je mets des guillemets, il est beaucoup de choses. Il est un élève solitaire, il est un élève dans une bande, il est un être social dans toute sa diversité. Et évidemment, l'enseignant n'est pas à temps plein pour penser la personnalité de l'élève. Mais je pense qu'il faut quand même, quand on se lance sur ces projets-là, il faut avoir conscience de tous ces enjeux. Et ça, je peux aussi citer un autre aspect de terrain qui peut peut-être être intéressant. C'est que donc, parmi ce que j'ai étudié les visites pédagogiques des expos du centenaire de la Première Guerre. C'était intéressant parce que tout le monde disait « bon là, on va vraiment pouvoir y aller à fond » puisqu'il n'y a aucune polémique. Il n'y a aucun enjeu difficile avec les expériences des élèves. Ça fait consensus. Pour moi, cette question de dissensus et de consensus, et je sais que c'est beaucoup de travail et que c'est très difficile d'un point de vue émotionnel, mais il faut s'en distancier. Preuve, donc là, l'expo en question était une expo des Archives nationales sur le site de Pierrefitte, à visée féministe. Bon, je parle rapidement, hein, donc... et notamment qui voulait mettre en avant le rôle des femmes à l'arrière. Et l'expo était super, enfin moi, d'un point de vue personnel, j'ai trouvé super, et les élèves, ça marchait très bien aussi. Puis après, il y avait des ateliers pédagogiques. Un des ateliers pédagogiques visait à faire écrire un journal de guerre aux élèves. Et donc, c'est proposé à une classe. En France, les classes, la plupart, sont mixtes, filles-garçons. Et donc, il se trouve que la plupart des élèves se sont appropriés cette consigne commune, de manière ultra genrée. Donc les garçons ont fait des journaux de tranchées pour raconter leurs souffrances sur le front, mais aussi leur courage. Et les filles ont fait des journaux de l'arrière pour raconter à quel point elles s'occupaient des enfants, qu'elles trouvaient un travail, qu'elles assuraient et qu'elles attendaient et qu'elles pensaient à l'être aimées. Et donc là, on voit bien à quel point l'expérience a été utilisée, mais est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que on a envie que les élèves rentrent dans des... Donc peut-être là, il aurait fallu demander à tout le monde, par exemple, un journal de tranchées ou un journal de l'arrière. Peut-être, ou pas. Peut-être que c'est tout à fait bien que tout soit genré. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce regard sur la manière dont les élèves vont s'approprier ce type d'expérience et ce type de projet pédagogique, sans forcément les juger. Hein, ça... mais savoir en connaissance de cause pour en faire des outils pédagogiques maîtrisés et aussi plus épanouissants pour l'enseignant. Parce que je comprends très bien aussi qu'un enseignant qui se donne tels objectifs et l'objectif ne va pas forcément être atteint, c'est aussi frustrant. Ouais, pour moi, ça pose vraiment la question de la place de l'élève et la place qu'on lui fait dans un enseignement qui peut être très académique ou finalement, si l'élève est là, eh ben, ça fait totalement imprévu. C'est-à-dire que pour l'enseignant, le déroulé, il ne peut pas être le même. Voilà. Et je pense que pour beaucoup d'enseignants, c'est très compliqué, ça, de se dire, bah, il va venir, on va partir sur complètement autre chose. Ça demande aussi une expérience, une agilité pédagogique. Et l'idée de ça, de l'être social, je trouve qu'en plus, c'est tellement présent. Enfin, ça se voit tellement... les élèves sur la Première Guerre mondiale, là, ils me disent, mais les soldats qui étaient LGBT, ils allaient à la guerre. Voilà, c'est un questionnement évidemment d'aujourd'hui. Et c'est bon, alors forcément, moi, j'ai pas du tout imaginé qu'ils pouvaient me poser cette question-là. Et pour en revenir sur ce que vous disiez, on avait fait correspondre deux classes et les élèves avaient un rôle à jouer. Et on avait dit à des garçons, ben voilà, toi, tu es marraine de guerre et donc tu dois écrire aux soldats. Et on les faisait tirer au sort un rôle. Donc certains garçons se sont retrouvés marraines de guerre et puis certaines filles soldats dans les tranchées. Et ça a posé question. Ça a vraiment posé question. Et ça a beaucoup plus posé question aux garçons qu'aux filles. Qui ont dit, bah, nous, on fait ça tout le temps, en fait. Dans l'histoire, quand on demande, c'est toujours incarné par... Donc, ça a, là aussi, complètement changé le... Enfin, disons, l'activité n'a pu se faire qu'après un temps aussi où il y avait tout ce questionnement-là. Donc, quelle place on fait à leur existence, voilà, mais... Alors, encore, c'est intéressant parce que, finalement... Bon, c'est pas forcément explicité dans le devoir de mémoire, mais ça l'est de plus en plus. Il y a eu aussi pas mal de commémorations et de mises en œuvre de dispositifs en lien, par exemple, aux victimes homosexuelles du nazisme. Donc on pourrait... Mais là, précisément, c'est encore un problème qui a permis d'avancer par rapport aux valeurs qui sont censées être transmises dans la mémoire. Donc par exemple, ce problème de est-ce qu'un garçon va accepter un rôle, en gros, de fille ? Donc ça, évidemment, c'est un travail... Moi, je pense que c'est un travail énorme pour l'enseignant. Il faut une préparation d'un niveau très très poussé, aussi bien sur les questions de ces enjeux de rapport fille-garçon, mais aussi par exemple pour répondre à la question est-ce que les soldats LGBT allaient au front? Enfin, je veux dire, ça suppose, un, de déconstruire la notion même d'LGBT comme une notion, pas la déconstruire pour la critiquer aujourd'hui, mais pour montrer que c'est un produit de l'histoire. Deux, de savoir exactement le statut juridique et social de l'homosexualité à cette époque. Trois, éventuellement, d'avoir identifié quelques cas qui peuvent exister. Je ne suis absolument, je dis tout de suite aux historiens qui nous écoutent, je ne prétends pas avoir ces compétences, mais c'est énorme. Mais ça, quelque part, finalement, quand je vois circuler beaucoup de mallettes pédagogiques, de dossiers pédagogiques pour les historiens qui vont expliquer telles étapes de la Première Guerre, je me dis, en fait, ils ont quand même une formation. C'est presque le moins nécessaire, parce que ça, quelque part, c'est leur cœur d'activité. Par contre, des mallettes pédagogiques qui, pour chacun de ces types de dispositifs, mettraient en avant tous ces enjeux, et ils ne pourraient jamais couvrir tous les enjeux, parce que, précisément, un élève est divers, c'est un être, heureusement qu'on n'est pas, surtout par les temps qui courent aujourd'hui, heureusement qu'on n'est pas une seule personne. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, quand on fait de l'ethnographie de ces dispositifs, on se rend compte que l'élève, d'ailleurs, ne va pas dire la même chose sur le passé, selon qu'on va le voir en interaction avec l'enseignant, qu'on va le voir une demi-heure après en interaction avec son groupe de pairs, un peu plus tard, en conflit avec un autre groupe de pairs, et ça peut se jouer autour de l'expérience de visite, mais comme ça aurait pu se jouer autour du ballon de foot dans la cour de récré. Et donc, l'élève, comme nous les adultes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'a pas une personnalité complètement unifiée, et on va parler du passé comme de nos expériences de mémoire, de manière possiblement différente selon les contextes. Et ça, évidemment, l'enseignant qui prend le risque, parce que moi, je pense que c'est toujours un risque, mais dans le bon sens du terme, le risque de ce type d'enseignement autour de la mémoire doit être l'accompagner le plus possible. Et pour moi, l'accompagnement ne vient pas forcément par des éléments pédagogiques sur le passé, mais plus avec des outils sur le présent. Du coup, c'est très très riche et du coup, j'ai beaucoup de questions. La première chose, quand je vous écoute toutes les deux, c'est qu'il me semble que vous soulevez aussi... la notion d'interlocuteur valable, considérer l'élève comme un interlocuteur valable dans ce travail de mémoire, pour le coup, qui est vraiment dans le travail et pas le devoir. Une de mes questions, du coup, multitude de questions, c'est, vous parlez, donc il y a un petit moment de visite, justement, au musée ou sur des lieux de mémoire. Est-ce que, dans votre livre, Sarah, avec Sandrine Lefranc, vous disiez « Les politiques de mémoire veulent changer les hommes depuis leur fort intérieur, les disposer à la tolérance ». Et un chercheur dont je suis désolée parce que je ne suis pas sûre de la prononciation du nom, Nathanael Wattbled, je suis navrée, parlait de culpabilité ontologique pour les visiteurs. Est-ce que il faut passer par l'émotion au départ, pas nécessairement pour le travail de mémoire, ou c'est une erreur au contraire? Alors je commence ou... Comme vous voulez. Donc, je voudrais quand même revenir sur cette distinction travail de mémoire et devoir de mémoire. Moi, je suis d'accord d'un point de vue opérationnel et je comprends très bien pourquoi les enseignants et beaucoup d'acteurs de la mémoire souhaitent reformuler ça. Mais ça aussi, c'est limite dans le sens où, de toute façon, dès lors qu'on utilise la mémoire comme outil, on reste quand même avec un lien implicite avec les valeurs. Et dès lors qu'on est avec les valeurs, qu'on a des espoirs, des prétentions, des envies de travailler les valeurs avec les élèves, quelque part, on est dans une forme qui n'est pas que du travail, qui n'est pas de devoir de mémoire non plus, mais on est quelque part qui n'est pas exactement sur la question du travail. Et voilà, on peut... Donc ça, je voudrais le dire au préalable. Et à ce moment-là, il faut parler de travail d'histoire, en fait. Ou du travail de l'historien, ou de la démarche historique ou historiographique. Et donc voilà, je pense que c'est important de le reformuler, c'est important de prendre ses distances avec la notion de devoir de mémoire, mais il faut le faire en se disant que bon ben, faut quand même admettre qu'on pense qu'il peut y avoir un travail de valeur dans tout ça, et que c'est pour ça qu'on le fait. Sinon, on fait autre chose. Et ça me va très bien aussi, moi je suis une intellectuelle, donc le plaisir intellectuel, je le comprends très bien. Mais il faut voilà, dire ce qu'il est. Deuxième chose, je pense que considérer l'élève comme un interlocuteur valable, pour moi, c'est quand même la base de la pédagogie. Enfin, Mais après, encore une fois, je ne suis pas enseignante, donc je peux me tromper. Mais c'est encore plus la base dès lors qu'on est en démocratie et qu'on veut transmettre des valeurs. Donc on doit accepter une discussion minimale, sinon on relève d'un autre régime politique. Ça, c'est les deux points qui me semblent très importants. Sur la question de... Alors, on n'a pas parlé effectivement de la question de l'émotion, mais aussi de la question de l'échelle de ce travail de valeur, c'est-à-dire l'échelle individuelle. Donc, on monte dans le livre, on a aussi beaucoup travaillé depuis, et il y a beaucoup de travaux, bon, ça je voudrais dire, pour nous qui parlons en français et qui lisons en français, que ce petit livre qu'on a fait avec Sandrine Lefranc s'inscrit dans une remise, pas en cause, mais une remise en réflexion à l'international. On n'est pas du tout deux petites personnes seules dans notre coin. Et donc cette réflexion sur les dispositifs de mémoire qui ont été développés à l'école, mais aussi au musée, dans plein d'endroits dont l'école s'empare, elle est internationale. Donc, et elle met l'accent sur deux dimensions dont vous avez parlé. Est-ce que l'échelle individuelle est la meilleure échelle, et est-ce que la question de l'émotion est la meilleure question ? Donc pourquoi ? Je m'explique, mais j'essaye d'être rapide pour laisser la parole à Céline. La première chose, c'est tout ça est pensé à l'échelle individuelle. Donc ce serait souvent ces dispositifs mettre en avant aujourd'hui des trajectoires individuelles dans le passé, avec l'idée que les élèves en tant qu'individus vont avoir une identification. Donc on dit par exemple, on donne des rôles aux élèves, et donc il y a c'est un individu qui est confronté au passé d'un individu, en gros. Je schématise, évidemment, c'est une tendance, il n'y a pas que ça. Ça pose une première question très importante en sciences sociales, qui est le fait que, on parlait des bourreaux et des victimes. Moi, je pense que pour comprendre la Shoah, par exemple, il ne faut pas se limiter aux bourreaux et victimes, parce que les bourreaux et les victimes, elles interagissent dans un système, dans un certain type d'institution, un certain type de législation, et que... En s'intéressant aux bourreaux, aux victimes ou aux justes, dont sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le passé, c'est très important, mais ça met de côté aussi les aspects structurels de l'époque. Et il y a des travaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des travaux très intéressants, notamment sur l'Afrique du Sud et la transmission de l'histoire de l'apartheid, qui montrent que pour pouvoir transmettre l'histoire de l'apartheid dans les classes, aujourd'hui qui sont mixtes, qui sont blanches et noires, avec des élèves blancs et des élèves noirs, beaucoup d'enseignants mettent en œuvre des trajectoires individuelles parce qu'ils ne veulent pas non plus se concentrer que sur le fait que tous les blancs étaient mauvais et que les noirs n'étaient que des victimes. Et donc en faisant ça, en fait, on se rend compte que l'effet, c'est que ça rend chez les élèves la question du racisme comme un choix individuel. Alors quand même, l'apartheid, il y a un mot pour ça, c'est bien que c'est structurel. Donc voilà, donc finalement, ça dépolitise aussi un certain nombre de choses. Donc il y a ça, c'est un enjeu, je pense, quand même, dans les questions de mémoire à l'école. La deuxième question, c'est celle de l'émotion. Donc ça, l'émotion est une dimension qui est très, très porteuse en ce moment. Il y a, donc, les sciences sociales sont de plus en plus marginalisées, comparées à l'économie de l'émotion, la psychologie de l'émotion, beaucoup de travaux sur l'émotion et le cognitivisme. Or, ben, on peut le voir, l'émotion, ça va être formateur dans l'instant, mais réactiver des émotions dans le futur, on voit dans un certain nombre de travaux de psychologie sociale que ça ne marche pas forcément. C'est pas parce qu'on a été indigné, qu'on a ressenti une émotion très forte à un moment, qu'on va pouvoir réactiver cette émotion plus tard. Et deuxièmement, contrôler les effets de l'émotion ne sont pas toujours évidents. Donc là, il y a eu des travaux... Pour ceux qui utilisent Matériaux pour l'Histoire, la revue de l'ancienne BDIC, qui est très utilisée, je pense, par les enseignants, j'avais publié un numéro spécial sur le centenaire de la Première Guerre mondiale avec des collègues. Et il y a un article dedans très intéressant sur une expo en Belgique qui avait pour but de promouvoir le pacifisme en mettant en avant les exactions des Allemands contre les civils belges pendant la Première Guerre mondiale. Des psychologues sociaux ont étudié cette exposition. En appliquant une échelle de pacifisme, bon, c'est leur méthodologie, mais peu importe, en gros, en calculant le pacifisme avant la visite de l'exposition et après la visite de l'exposition. Aux surprises, les gens qui sortent de l'exposition, bah, ils trouvent ça horrible, quoi. Et donc, ils sont moins pacifistes, ils ont plutôt tendance à détester les Allemands qu'avant, ils veulent être contre l'Union européenne, etc. Parce que pour les promoteurs de l'exposition, pour eux, l'émotion qui va être produite, elle va être porteuse de rejet de la guerre. Mais ça, c'est déjà une valeur en soi. Et en fait, il faut que la valeur, quelque part, soit préexistante pour que l'émotion la déclenche. voilà ce que je pourrais essayer de dire. Et donc, moi, je n'ai pas de solution miracle. Je pense que c'est très important, en fait, que toutes ces questions soient conscientisées dans le travail des enseignants et que l'institution leur permette. C'est pas du tout... Je ne pense pas que chaque individu peut faire tout ce chemin seul, mais je pense que l'institution devrait leur donner les clés pour avoir ce type de réflexion. Avant que tu répondes, je te rajoute une question juste pour toi, du coup, qui m'est venue en écoutant Sarah Gainsberger. Est-ce que, je me doute qu'il y a des émotions qui émergent sans chercher à les faire émerger. Est-ce que, voilà, comment ça se passe? Est-ce que, en tant qu'enseignante et formatrice, est-ce que tu as des collègues aussi qui t'ont parlé de ça en tant que difficulté ou questionnement? C'est un petit peu comme la question de l'imprévu. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui cherchent à se mettre à distance des émotions des élèves et des leurs. Ça s'est vu aussi au moment des commémorations des attentats où les collègues vont dire bah, « moi, je ne peux rien faire avec mes élèves parce que je vais m'effondrer ». Donc, c'est tellement pas à distance pour eux qu'ils, voilà, et c'est pas, ils ne peuvent pas non plus envisager de s'effondrer ensemble d'une certaine façon ou de partager un moment d'humanité. Ils se positionnent en devant être l'adulte de référence, l'adulte qui a réponse, et du coup, c'est très compliqué. Il y a vraiment eu, je pense, une évolution aussi sur la place de l'émotion. On a maintenant... des demandes de former à des compétences psychosociales, à ne pas dissocier cognition et émotion. Donc voilà, l'émotion a plus de place dans la classe, mais c'est une demande. Est-ce qu'on lui fait plus de place? C'est pas forcément sûr. Et du coup, ça peut être aussi un terrain un peu glissant. Je pense que pour toutes ces choses-là, on peut aussi avoir peur de faire pire que bien, quoi, d'avoir des effets totalement contre-productifs. Moi, quand j'étais élève et ensuite quand j'ai commencé l'enseignement autour de la Shoah, eh ben, c'était de la pédagogie de l'horreur, c'est-à-dire qu'on nous faisait voir nuit et brouillard, et puis c'est tout, en fait. Et du coup, c'était vraiment ça, quoi. C'était donc ça a beaucoup évolué. On réfléchit aussi beaucoup maintenant... à travailler avec des témoins, avec d'autres supports aussi. Et je suis très sensible au fait de ce que disait Sarah sur l'échelle individuelle et sur l'aspect prospectif, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, ça va être un vaccin, et puis ils auront compris, et puis après, dans leur vie d'adulte, ils ne recommenceront pas. Et je pense qu'effectivement, là, l'histoire est un vrai matériau pour se dire, ben, en fait, l'histoire, c'est comprendre comment des acteurs qui sont placés dans des situations, en fonction des possibilités de cette situation, des contraintes de cette situation, de leur héritage et tout ça, font des choix. Et questionner ce choix-là et comment ce choix s'organise, ça peut nous aider peut-être. Et pour en revenir à une exposition, moi j'avais été très sensible à l'exposition qui avait été faite au Musée de l'Homme et qui s'appelait « Nous et les autres ». Et j'avais trouvé très intéressant dans cette exposition les entrées par des champs très différents. C'est-à-dire qu'il y avait un champ de psychologie où le fait qu'on valorise toujours son groupe, en fait, un champ de l'histoire, le droit. Et j'avais trouvé que cette conjonction pouvait être très, très porteuse. Et puis, dernière chose que je dis, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, quand on emmène des élèves dans un musée, alors, il paraît que les élèves français se reconnaissent dans les musées parce qu'ils ont toujours des questionnaires, contrairement aux élèves étrangers. Et la question, ça serait aussi de leur dire, mais quels choix ont été faits muséographiques? Comment on a décidé de mettre... Voilà. Par exemple, il y a des comparaisons très intéressantes entre le musée de Meaux et le musée de Péronne, où c'est pas du tout la même chose, pas du tout la même mise en scène muséale ou muséographique. Et je veux dire, leur faire déconstruire, au sens positif du terme, la démarche de... Ouais, observer et se dire comment on a mis en scène, la personne, elle rentre dans le musée, c'est quoi le premier temps, comment sont organisés, tout ça. Reconstruire un musée pour eux aussi, voilà, comment moi je mettrais, faire des choix, encore une fois. Ce que je trouve très intéressant aussi en termes de valeur, parce que ça leur donne l'idée que c'est aussi un espace pour eux, qu'ils peuvent s'approprier et qu'ils ne vont pas que subir... Entre guillemets. Donc il y a cette réflexion là d'accompagner et pas être simplement spectateur mais aussi acteur. ça, si je peux rebondir, je pense que c'est important. Ça doit être assez difficile quand même de faire cette démarche pour des enseignants parce que parfois, quand j'explique ça, donc dans le projet Parler Vivant, par exemple, les enseignants prennent un an à travailler sur des archives. L'idée, c'est de raconter dans un podcast, que les élèves racontent dans un podcast à partir de leurs recherches en archives, la Shoah à proximité de leurs établissements. Et c'est énormément de travail pour les enseignants. Donc moi, mon travail, c'est de les former, enfin de leur expliquer mon expérience, puisque je l'ai fait dans des quartiers de Paris. Donc là, on ne sait pas, mais on est dans le 11e, mais je l'ai fait dans une rue toute proche. Et de leur expliquer un peu le travail en archive, etc. Mais ce faisant, une des questions, c'est aussi, dès lors qu'on déconstruit la source, pour un enseignant, il y a aussi la peur du relativisme. Ça veut dire, est-ce qu'il y a du vrai, du faux, finalement, est-ce qu'on ne va pas favoriser aussi une forme de théorie du complot soft en montrant qu'on peut dire tout et n'importe quoi à partir... Donc ça, je pense que c'est très difficile. Moi, étant sociologue, quelque part, je fais de l'histoire à partir de mon savoir de sociologue, de ma pratique d'abord de sociologue. Et donc, pour moi, c'est évident. Et pour un historien aussi, je pense, puisque la critique de base d'une source, c'est quand même ça. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir une crainte de comment manier cette question-là, puisqu'on peut construire le récit différemment, finalement, quel est un vrai et un faux récit ? Et on en parlait en aparté avant de commencer ce podcast, le danger de mettre d'un côté le subjectif et l'objectif, et en fait, il faut trouver des outils et des concepts différents de cette dichotomie, je pense. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur l'émotion. Donc moi, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur la mémorialisation des attentats, puisque j'ai écrit des livres sur cette question, j'habite en face du Bataclan, et mes enfants allaient à l'école, qui est entre Charlie Hebdo et le Bataclan à l'école élémentaire au moment des attentats. Et évidemment, je pense que les profs d'histoire ne sont pas du tout accompagnés, même d'un point de vue personnel, sur leurs émotions. C'est quand même incroyable de vouloir mettre en avant les émotions des élèves et que l'institution n'apporte pas assez d'accompagnement sur l'émotion des enseignants. Et pas seulement quand des enseignants sont eux-mêmes victimes d'actes de terrorisme, mais dans l'absolu, parce qu'ils sont aussi des personnes. Les élèves sont des personnes valables, mais je dirais les enseignants sont aussi des personnes valables. Donc ça, je pense que c'est quand même une dimension importante pour l'éducation nationale à quand même prendre en compte. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est la question des images, parce que Céline, vous avez dit, on leur projetait Nuit et brouillard. Bon, par ailleurs, Nuit et brouillard, c'est pas vraiment la Shoah, déjà. Et l'éducation à l'image et l'utilisation à l'image de l'image par les enseignants et l'utilisation si incapacitante dans les manuels scolaires, je dirais, c'est un champ en tant que tel. On pourrait presque refaire tout ce qu'on a fait dans ce podcast à partir du rapport à l'image. Et ça, on vient d'avoir... Il y a un projet qui s'appelle Chambre Obscure qui a produit des outils pédagogiques intéressants, je pense, sur la guerre d'Algérie. Et là, la nouvelle série porte sur la Shoah. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose où on pourrait mieux accompagner nos enseignants d'un point de vue d'outils pédagogiques sur identifier certaines images, mais en faire une analyse d'image. Et ça, c'est très très peu présent, alors que je pense que ça pourrait ouvrir plein de champs des possibles, y compris par rapport à la mémoire, parce que ça, la mémoire, c'est aussi des clichés dans tous les sens du terme, des clichés visuels et des clichés cognitifs. Et travailler là-dessus, c'est évidemment... Beaucoup d'enseignants le font et en sont conscients, mais encore une fois, ils ne sont pas forcément accompagnés avec les bons outils pour gagner du temps. Parce que, voilà. Et donc ça, moi, ça m'a passionnée. J'ai fait un livre entier sur un album photographique et je pense que c'est très intéressant pour les élèves aussi parce que l'image, c'est leur quotidien. Ils sont sur Insta toute la journée et finalement, ils pourraient même créer un compte Insta sur des images du passé où ils produisent eux-mêmes. Voilà, ça pourrait être plein d'outils pédagogiques qui sont utilisés. Et là, ils font aussi œuvre de mémoire. Mais comme acteur. Une élève avait proposé ça pour son oral de brevet, de se poser la question si justement les réseaux sociaux, Instagram, pouvaient être un bon vecteur de mémoire. Et elle avait utilisé un compte fictif, mais où une jeune fille, je crois bien, racontait de manière fictive sa vie sous l'occupation ou des choses comme ça. Et effectivement, ça, ça avait vraiment questionné. Pour revenir à l'image, là aussi, pour les élèves, les images ont un caractère d'évidence et de vrai. Le document dit vrai, mais l'image dit encore plus le vrai. Voilà. Et du coup, c'est un vrai travail de questionner ça. Et même, je dirais, chez les enseignants, j'accompagne souvent des jeunes enseignants en histoire. Un jeune enseignant en histoire, il ne donnera jamais un texte sans la source, mais il peut donner une image d'Auschwitz sans la source, sans la date. Elle fait tellement évidence, elle fait partie. Et du coup, c'est quelque chose à questionner, et pour les enseignants, et pour les élèves. Alors en plus, bon, il se trouve que on a eu une table ronde à Blois la semaine dernière avec Tal Brutman. Il a précisément pris cet exemple des images d'Auschwitz et il a expliqué très en détail les limites de ces images, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été retournées, reproduites après la libération du camp, et que précisément ce qu'on voit dans les images, c'est pas vraiment l'extermination, parce que l'extermination, et lui il a choisi une image qui est une image autour des cendres, etc. Enfin, bon, c'était une discussion très intéressante. Mais oui, mais ça, et la façon dont les images sont utilisées dans les manuels, elles sont là pour illustrer, il y a plein de problèmes sur les images. Et en plus, elles sont censées être directement dans l'émotion. Donc c'est pour ça que j'en parlais par rapport à cette question de l'émotion. Finalement, elles parlent d'elles-mêmes. Or, si on veut aujourd'hui que les élèves soient des gens qui soient capables de questionner des images qu'ils voient... Moi, j'ai fait le test sur donc ces ateliers que j'ai fait en CM2, j'ai fait dans plusieurs écoles. C'était lié à l'actualité de la commémoration de la rave de Veldiv. Après avoir tout expliqué, fait des ateliers, etc., j'ai montré le site de France Culture, qui à l'époque, je pense, a dû être modifié depuis, avait parmi les images du Veldiv une image marquée rave du Veldiv. Je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais il n'y a qu'une seule image de la rave du Veldiv, et c'est l'image avec les autobus en dehors du vélodrome. Et là, c'était une image à l'intérieur, et il y avait des femmes et des hommes. J'ai rien dit, j'ai dit, ben voilà, là, vous voyez sur le site de France Culture, qu'est-ce que c'est France Culture, il y a une image, rave du Veldiv, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a un élève qui a dit, ben, je pense que tu as dû nous raconter des choses fausses. Parce que tu nous as dit qu'au Veldiv, il y avait les familles avec enfants, et là, sur l'image, on ne voit pas d'enfants. J'ai dit, donc, je te remercie, donc tu préfères croire cette image plutôt que de croire tout ce que je t'expliquais. Mais j'ai pris ça tout à fait, au contraire, j'étais contente, c'est l'objectif pédagogique de la séquence. Et y a quelqu'un d'autre qui a dit, bah, sinon elle peut avoir dit la vérité, mais c'est l'image qui n'est pas la bonne image. Donc il y a eu une discussion, et cette image-là, c'est l'image de l'après-guerre où des collaborateurs ont été emprisonnés au Veldiv. Et on a travaillé là-dessus, donc on a travaillé voilà, le lieu, etc. Et ça a été, je pense, assez... Et je leur ai dit, mais... S'il vous plaît, ce qu'on vient de faire sur cette image, quand vous regardez des images sur Instagram qui sont en flot continu de soi-disant sur l'actualité, essayez à votre niveau d'avoir les éléments que vous pouvez utiliser pour travailler sur cette image. Et c'est pourquoi je suis assez parfois surprise de tous ces nouveaux modules d'intervention extérieure sur l'éducation aux médias, etc. Pour moi, l'éducation aux médias, c'est sûrement très bien ces modules, hein. Je n'ai pas du tout suivi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'éducation aux médias, c'est juste une formation pédagogique qu'on peut faire en cours d'histoire, qu'on peut faire dans plein d'autres cours, y compris en français, probablement dans des disciplines dites de sciences dures, parce qu'ils ont été quand même l'objet à moult reprises de propagandes diverses et variées, et que la théorie de la relativité, c'est rien plus ni moins qu'une forme d'éducation aussi au point de vue. En fait, c'est la question du point de vue. Oui, c'est exactement ça. En fait, l'image, elle fait vraiment inscription mémorielle, quoi. Ça fait le truc qu'on va retenir sans jamais finalement questionner ce qu'on devrait toujours faire en histoire, l'intention de l'auteur. Et dans ces images de Juifs, justement, l'auteur, on ne se pose pas la question de pourquoi cette image a été produite, finalement. Et justement, qu'elle ne montre pas ce qu'ont vécu les déportés. Et du coup, le plus dur, je trouve aussi avec les élèves, c'est de leur dire, bah, est-ce que tu peux suspendre ton jugement et te dire, je ne sais pas, il va peut-être falloir que... Et cette idée de suspension, et finalement, c'est un réflexe, quelque chose qui devrait devenir un réflexe et qui ne l'est pas. Et avec le flot d'images justement auxquelles ils sont confrontés, c'est compliqué. Oui, mais parce que ça, quelque part, c'est une injonction contradictoire, puisque l'image est censée être porteuse d'émotions et que on attend d'eux qu'ils soient dans l'émotion, puisque c'est aussi une partie de la dimension de ces dispositifs mémoriels. Suspendre son jugement, c'est aussi faire un travail sur soi par rapport à l'émotion. Moi, par exemple, si je peux parler de mon cas personnel, c'est ce que j'ai essayé de faire pour m'aider, moi, personnellement. Hein. Je suis quelqu'un de, comme tout le monde, très égoïste. Donc, j'ai commencé à faire ce travail sur la mémorialisation immédiate des attentats dans mon quartier. J'ai tenu un blog tous les jours en observant mon quartier du point de vue de ce que je connais d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire la sociologie de la mémoire. Mais parce que c'était un moyen pour moi de suspendre mon jugement dans le sens de vraiment de sortir d'une expérience personnelle qui était quand même assez complexe, y compris de, par exemple, de remettre ses enfants à l'école le lundi matin, etc., dans ce quartier. Et comme tout le monde, on connaissait beaucoup de gens touchés très directement. Mais quelque part, c'est aussi suspendre son jugement, c'est aussi ne pas se situer soi-même dans l'émotion. Et est-ce que c'est une position acceptable dans ces dispositifs ? Ça, c'est une tension qui est quand même difficile. Et je pense que c'est la tension, en fait, qui est au cœur de cette question de donner une forme d'injonction mémorielle aux enseignants d'histoire, c'est qu'ils ont des choses contradictoires à gérer. Ils doivent être dans l'émotion avec les élèves sans laisser trop d'aspects personnels arriver, parce qu'on est quand même dans une école française qui est dite universalisante, etc. Donc ça, mais en même temps, ils ont quand même des individus devant eux, ils ont quand même des éléments intellectuels à transmettre, une démarche critique. Et donc, c'est beaucoup de choses difficiles, je pense, à concilier, en fait. En vous écoutant, c'est très riche. Donc, je vais me forcer à poser une dernière question et pas plus. Du coup, c'est très intéressant. Et vous êtes toutes les deux historiennes. Et les experts en France de la mémoire, que ce soit en termes de chercheurs ou d'enseignants, sont vraiment des historiens et sociologues aussi. Est-ce que ça veut dire que les autres disciplines à l'école contribuent moins ou ne peuvent pas contribuer sans les historiens au devoir de mémoire, au travail de mémoire, par exemple? Alors, désolé, je cite mes exemples personnels. Est-ce que travailler des textes de Barbuse, travailler... je pense à l'exposition photographe de guerre qui a eu lieu il y a un an, deux ans, je ne sais plus, avec les photos qui étaient très fortes et très intéressantes à étudier, où j'avais fait travailler la plus précieuse des marchandises de Grimbert. Est-ce qu'au contraire, c'est un moyen intéressant pour le travail de mémoire, ou est-ce que ça ne peut pas exister sans le travail d'historien pour accompagner? Voilà, c'est la dernière question. Ben, moi, j'aurais tendance à dire que tout ça va se conjuguer, en fait, et que ça va mener des regards différents. Je me dis toujours aussi que y a certainement toute cette part d'éducation indirecte. Voilà, si on prend un exemple familial, c'est très différent de dire à ses enfants « il faut que tu lis des livres » et qu'ils nous voient toujours avec un bouquin à la main ou des livres qui traînent partout. Donc moi, ma question, ce serait vraiment comment on peut incarner ces valeurs que l'école assume de porter, hein, en fait. L'article premier du Code de l'éducation est demandé aux enseignants de transmettre des valeurs. Comment ça peut s'incarner au quotidien dans des postures, des gestes professionnels très pratiques. Et puis aussi, la question me revient, parce que tous les ans, on se dit comment on va commémorer tel événement, par exemple, de me dire finalement, est-ce que les enseignants n'auraient pas non plus à assumer et à dire bah, nous portons ces valeurs-là parce que nous croyons que pour l'école, pour vous, voilà, et que ça vienne d'eux, plutôt que ce soit toujours en demande de l'élève, voilà. Et d'un autre côté, est-ce que notre école, elle permet de faire vivre aux élèves des expériences démocratiques? Et pour moi, ça, c'est une vraie question. Je me dis, si finalement, on ne va pas être que dans le discours, si finalement, on est dans une expérience dont on ne peut pas s'assurer que dans l'avenir, ça changera quelque chose, est-ce que mettre les élèves dans des situations de vivre des expériences démocratiques par des dimensions différentes, par des protocoles pédagogiques différents, des conseils coopératifs, mais en questionnant aussi, ben voilà, quelle est la place de l'égalité dans notre fonctionnement à nous, est-ce qu'on a des espaces pour s'exprimer, voilà, est-ce que ce serait pas ça un élément de de réponse ou peut-être d'espoir aussi, je ne sais pas. Oui, je pense effectivement qu'il y a deux façons de répondre à votre question. La première, c'est sur au niveau des valeurs. Dès lors que cette question du devoir de mémoire, on accepte que derrière, il y a l'objectif final, c'est pas seulement le passé, la connaissance du passé, mais bien les valeurs au présent. À ce moment-là, j'aurais tendance à dire que c'est un enjeu pour l'ensemble des acteurs éducatifs, qui sont des enseignants, mais aussi, effectivement, des CPE, enfin voilà, le monde scolaire. Et par ailleurs, il y a plein de disciplines qui peuvent tout à fait s'approprier ce type de fonctionnement. La biologie, par exemple, enfin, je veux dire, quand on voit comment la biologie a pu accompagner certains des heures les plus sombres de l'histoire, on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir un travail sur qu'est-ce qu'une connaissance biologique, comment elle est toujours située, comment elle peut aussi avoir un rapport non neutre avec les enjeux politiques. Ça, pour moi, ça fait complètement partie du travail que peut avoir un enseignant. Ça s'appelle pas biologie, je sais, hein. J'ai aussi des enfants à l'école. Mais voilà, par exemple, pareil la physique, quand on voit tous les aspects idéologiques qu'il peut y avoir liés à ces questions, de Galilée à la Terre est plate. Voilà, c'est la question des valeurs qui est au cœur. Ou les mathématiques, tous ces enjeux sur l'égalité filles-garçons. Bon. Voilà, ça je pense que tout le monde peut, s'ils ont envie, revendiquer des valeurs. Et ça, la question de l'implicite et l'explicite, je pense qu'elle est importante. L'école est aussi légitime à dire, nous, voilà, les objectifs qu'on a en tant qu'enseignants, c'est transmettre ces valeurs. Après, le problème, c'est qu'il y a des enjeux autour des valeurs aujourd'hui. Et quand on parle valeurs de la République, par exemple, ce serait un autre podcast, je pense, mais comment on les définit, comment on les définit d'un point de vue conceptuel et théorique, mais après, comment on considère qu'elles sont mises en œuvre de manière concrète, l'expression qui me vient, c'est bon courage. Et ensuite, le deuxième aspect, il est plus pratique. Donc, moi, je pense, évidemment, il est plus lié à l'histoire. Donc, il y a aussi une façon proprement historique, qui ne soit pas historienne, de traiter cette question du devoir de mémoire. Et là, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour que ce soit efficace, de toute façon, il faut faire feu de tout bois. Il faut que ce soit dans l'école, mais que ce soit partout. C'est ça, en fait, qui va créer l'efficacité du devoir de mémoire. Si c'est quand on est à l'école, ça ne va pas marcher. Donc, je dirais, si c'est quand on est à l'histoire de géo, ça ne va pas marcher non plus, si c'est que quand on est à l'histoire géo. Donc, évidemment, aujourd'hui, la présence du passé, elle est partout. Le nombre de romans qui traite de la question de la guerre, de la question des guerres, de la question des guerres d'Algérie, etc. C'est un matériau formidable. Et évidemment, ça ne peut pas être seulement traité en histoire. Donc, les enseignants de littérature, évidemment, de langue étrangère également, parce que ça peut être intéressant de comparer comment c'est traité dans la littérature française et dans d'autres types de littérature, par exemple. Mais aussi les arts plastiques, parce que ça aussi, il y a énormément de productions artistiques et on ne peut pas les laisser de côté. Donc. Mais ça, je pense que... Enfin, je ne vais rien vous apprendre, mais pour ça, pour que ce soit vraiment porteur, il faudrait avoir plus de temps de transversalité entre les disciplines, un temps pour que les enseignants puissent travailler ensemble. Mais il est évident que ces dispositifs ne peuvent marcher que s'ils sont répétés dans des contextes différents, aussi parce qu'un élève peut adorer l'histoire, mais détester le français, par exemple, ou inversement, et que donc c'est toujours question de point de vue, donc ça va être abordé par plein d'endroits différents qui vont renforcer, en fait, l'objectif principal dès lors qu'on multiplie les contextes dans lesquels cet objectif va être traité, dans l'école, mais aussi en dehors de l'école. Je vous remercie toutes les deux pour ce riche moment, et on a évidemment dépassé le temps, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.